Quatrième partie. Une pluie de récompense pour toi. Tu peux réciter le Coran par cœur après l'avoir mémorisé. Ou tu peux encore le réciter en lisant dans le livre qu'on appelle le Mus'haf. Que tu fasses l'un ou l'autre, dans tous les cas, ce sera bien. Et Allah te comptera une bonne action. On appelle ces bonnes actions des hasanat. Et pour chaque hasanat, Allah va te donner des récompenses dans l'akhira. Commence par apprendre par cœur les petites sourates, comme la Fatiha, An-Nas, Al-Falaq, ou encore des versets importants, comme Ayat al-Kursi. Tu les connais déjà peut-être ? Répète toujours tes sourates, partout où tu vas, à la maison, à la mosquée, à l'école, en voiture, ou même à pied, partout. Allah dit dans le Coran, « Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. » والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah. Et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Quand tu récites le Coran, il faut que tu le récites correctement. Tu dois te tenir droit, ne pas rigoler et être sérieux. Car c'est la parole d'Allah que tu récites. Subhanallah, la parole du maître des mondes. Celui qui m'a créé moi et celui qui t'a créé toi aussi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que celui qui lit le Coran, cela va l'aider à rentrer au paradis le jour du jugement. Masha'Allah, le livre d'Allah, Kitabullah, c'est comme ton meilleur ami pour toi. Il ne t'apporte que du bien et il ne t'abandonnera jamais. Parmi les cadeaux que t'offre le livre d'Allah, tu dois savoir que pour chaque lettre que tu prononces du Coran, Allah te compte 10 bonnes actions, 10 hasanat. Et pour toutes ces hasanat que tu vas gagner, Allah te donnera des récompenses le jour du jugement. le jour qu'on appelle en arabe Yawmul Qiyam. C'est le jour le plus important. C'est un jour dont tu as déjà entendu parler, n'est-ce pas? Nous avons appris que chaque lettre vaut 10 hasanat, 10 récompenses pour toi. Est-ce que tu sais compter? Nous allons voir cela ensemble. Par exemple, si tu lis le mot arabe « khalaqa », combien de hasanat auras-tu? Tu en auras 30. 30 récompenses pour toi en lisant un seul mot du Coran. Pourquoi? Parce que le mot « khalaqa » contient 3 lettres. Et chaque lettre vaut 10 récompenses. Donc 3 fois 10, cela fait combien? Cela fait 30. Masha'Allah. Le calcul, c'est très important pour toi. Il faut que tu sois très sérieux à l'école pour apprendre le calcul. Allah a choisi de nous offrir le Coran en arabe, la langue du peuple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu dois lire le Coran en arabe pour avoir la récompense. Et tu ressembleras de cette façon au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu parleras la même langue que lui-même a parlé avec ses nobles compagnons. Cela te plaît de parler comme le prophète et ses compagnons? Il faut que tu apprennes la langue arabe, car c'est la langue que Allah a choisie pour nous transmettre sa parole. Et c'est la langue de ton prophète Mohammed que tu aimes, la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. L'arabe, c'est la langue des musulmans, la langue de l'islam. C'est donc ta langue à toi aussi. Babou, bi, ta, tu, ti. Tu te dis sûrement, je ne sais pas encore parler arabe, ou je ne parle pas très bien. Rassure-toi, Allah te récompensera quand même pour ta récitation du Coran, même si tu ne prononces pas très bien, ou même si tu ne comprends pas ce que cela signifie. Tu vois, je t'avais bien dit qu'Allah sera toujours bon envers toi. Allah dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Tu as aussi des hasanat en écoutant le Coran récité par quelqu'un d'autre que toi, à la mosquée, en priant derrière l'imam, à la maison, en écoutant la radio, et même en marchant dans la rue avec tes écouteurs. Partout où tu es, tu auras des hasanat à chaque fois que tu écouteras la parole d'Allah. C'est facile! Tu n'as juste qu'à écouter, rien d'autre à faire. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Et tu sais, le fait que tu aimes écouter le Coran, c'est la preuve que tu es un bon enfant, que tu es gentil et bien élevé. Car les méchantes et mauvaises personnes détestent écouter le Coran. Ces personnes-là ne le lisent pas, et ils ne l'écoutent pas. Elles seront punies par Allah pour cela. Tu vas étudier le Coran toute ta vie. Le Coran, c'est ton premier livre d'école, et c'est le plus important. Tu vas apprendre à bien prononcer les mots. Tu vas apprendre à réciter les versets qu'on appelle les ayat. Tu vas aussi apprendre à mémoriser les sourates pour pouvoir les réciter par cœur, comme l'imam de ta mosquée. Et quand tu seras grand, Inch'Allah, tu vas apprendre le sens des versets. C'est ce qu'on appelle le tafsir du Coran. Tu pourras alors comprendre exactement ce que veut dire Allah. et tu pourras appliquer les ordres du Coran tout seul, comme un grand. Je sais que tu es pressé d'être grand, mais il faudra encore attendre un petit peu. Et Allah aime ceux qui attendent, sans se précipiter. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Quand tu seras grand et que tu auras appris à prononcer le Coran, à le réciter, à le mémoriser, à le comprendre et à l'appliquer, alors tu pourras faire la plus belle des choses. Transmettre le Coran aux plus petits que toi et à tous ceux qui en ont besoin. Et par ceci, tu mériteras une grande récompense auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le Coran, c'est un cadeau, le cadeau qu'Allah t'a donné. Alors à ton tour, tu offriras ce cadeau aux enfants de demain, et ce sera une très bonne action.